C'est le 5 francs. 5 francs, 4 milligrammes. C'est l'AVK qui est commercialisé ici en Algérie. Donc le mécanisme est connu, anti-vitamine K, donc par inhibition. Des facteurs de coagulation, vitamine K dépendante, le mécanisme est simple. Donc, je vais parler beaucoup plus de la surveillance biologique et suivi d'un traitement anti-coagulant. Donc, surveillance biologique, petite bouche, la carrière ou pas. Regardez, c'est des trucs pratiques. Donc, surveillance biologique est suivie d'un traitement anticoagulant. Donc, les anticoagulants, on a des anticoagulants donc, par voie parentérale, on a des anticoagulants par voie orale. Donc, les anticoagulants par voie parentérale, on a les trois voies. Donc, quand on est, il y a les deux voies, les plus reconnues, la voie sous-chute et IV continue, intraveineuse continue à la seringue électrique. Donc, il y a une seule molécule qui est administrée par voie IV continue par la seringue électrique, c'est l'héparine sodique. L'héparine sodique. L'autre entité, la calciparine, donc injectée par voie. Bien sûr, les héparines qui ont une héparine non fractionnée et héparine de bas poids moléculaire. L'héparine non fractionnée qui a une héparine sodique qui est injectée par voie intraveineuse, l'héparine calcique ou la calciparine injectée par voie succulte. On va amener les HPP1, l'héparine de bas poids moléculaire, injectée systématiquement par voie succulte. Une seule voie d'administration, la voie succulte. Donc les HPPM, comme plusieurs membres commerciales, un comme le plus connu et le plus disponible au niveau du service, c'est l'Ovinox. L'Ovinox avec ses différents dosages. 0,2, 0,4, 0,6 et 0,8. À domaine des différents doses. Un comme l'Inoap. Par rapport au l'Ovinox, c'est une seule prise. Elle dit la dose curative. Le traitement anticoagulant, un comme. Préventif et curatif. Le Novinox curatif, un comme deux injections, jour par jour, le Novinox. C'est le 0,0, virgule poids, deux fois par jour. Par exemple, un patient qui pèse 62 kg, c'est 0,7, fois deux par jour, la dose curative d'un patient. On voulait par exemple mettre un patient sous dose curative de Novinox, c'est 0,2 fois 2, l'Ovinox. L'Inoap, un comme la Traxiparine, donc Hado Kamel, c'est des noms commerciaux, t'as les HBPM. Donc, à les critères de surveillance, l'avantage de l'un ou l'autre anticoagulant, contre-indication, les effets secondaires. Effets secondaires, mais beaucoup plus, c'est la surveillance biologique. Pour les héparines standards, la surveillance biologique, c'est une surveillance quotidienne. Pour les héparines sodiques, ou là les héparines standards, donc on a partagé deux héparines, héparine standard ou là HNF, héparine non fractionnée, ou héparine de bas poids moléculaire. Donc pour les héparines standards, on a comme une surveillance quotidienne. C'est généralement le TCK, temps de céphaline collant ou la temps TCA, temps de céphaline activé. Donc le premier prélèvement doit avoir lieu exactement entre deux premières injections. Entre deux premières injections, c'est en manque pour la calciparine. La calciparine, c'est par voie prise. Alors prise d'intervalle 8 heures. Donc si. Donc, entre deux injections, je parle 4 heures. Vous n'avez pas trois prises de calciparine. 8 heures. Oui, 8 heures. Donc, 8 heures d'intervalle. Donc, entre deux prises, c'est 4 heures. Donc, le premier prélèvement doit avoir lieu exactement entre deux premières injections. donc soit 6 ou 4 heures après la première, selon que 2 ou 3 injections sont prévues. Connaissez-vous qu'on a comme 3 injections, donc c'est 4 heures après la première. Connaissez-vous qu'on a comme 2 injections par jour, c'est 6 heures après la première injection. Donc, dans la journée pour la calciparine, 4 à 6 heures après chaque modification de dose pour l'héparine IV. Donc si on met un patient sous héparine IV, par voie IV, à la poussière électrique, 4 à 6 heures après une modification de dose, par exemple, demain, une première TCK, le patient est insuffisamment anticoagulé. On va modifier les doses, on va augmenter les doses. On a augmenté par exemple les doses à 8 heures. Donc le prélèvement pour contrôler l'efficacité du traitement, donc 4 à 6 heures après les modifications des doses. C'est des trucs pratiques. Donc un prélèvement doit être effectué après chaque modification de dose. Donc on peut utiliser en fonction des cas le temps de céphaline activée, TCA. Donc le truc qu'on surveille, le paramètre de surveillance d'un traitement par héparine sodique ou calciparine, donc héparine non fractionnée ou la héparine standard, c'est le TCA. Par contre, les AVK, on contrôle par TCK. Par les AVK, le synchron. Contrôlé par l'INR, TP-INR. Jamais. C'est des anciens de donc une fois malais, c'est ça. Donc les paramètres de surveillance d'un patient sous héparine standard, donc c'est le TCA qui doit se situer entre 1 fois et demi et 3 fois le témoin. Donc on a par exemple le témoin est à 30 généralement, donc laisse le patient tana pour qu'il est anticoagulé, 60 c'est 2 fois. Donc 1 fois et demi, 3 fois, donc le témoin. Donc à 30, qu'on est à 60, c'est deux fois le témoin. Donc on est efficace, on est à des doses efficaces. On maintient les mêmes posologies. Quand il donne un paramètre de surveillance, c'est l'activité anti-10 activée. 10, c'est un facteur de coagulation. Le 10 activé. Hein? 3 non. De 2 maintenant. De 2 la 3. 10, c'est quoi? Facteur de quelque chose. C'est bon. Ou là, l'héparinémie. Donc, qui est un test spécifique. On dose des fois l'héparinémie en cas de suspicion d'un accident hémorragique, d'un accident aux anticoagulants, on dose l'héparinémie. Donc, elle doit se situer entre 0,2 et 0,6 unités par millilitre. Ce test sera préféré en cas d'anomalie préexistante de TCA chez les malades de réanimation et en cas de syndrome inflammatoire marqué. Donc c'est un test qui est spécifique, même coûteux, même n'a qu'un choix. Donc le paramètre de surveillance d'un patient sous héparine ou sous héparine standard, c'est le TCA. À défaut, ou là, en cas de trouble dans le TCA, c'est l'héparinémie qui doit se situer entre 0,3 et 0,6 unités par millilitre. Bien sûr, un patient sous héparine standard gagne le risque de thrombopénie. Quand les patients mis sous traitement héparine, le traitement anticoagulant, est exposé au risque de thrombopénie. Donc, une surveillance par les plaquettes, la surveillance de notre plaquette est important. Donc, en raison du risque de thrombopénie induite par les héparines, TIH, thrombopénie induite par les héparines, une surveillance de la numération plaquettaire est nécessaire, quelle que soit l'indication du traitement et la posologie administrée. Donc, une FNAS deux fois par jour est indiquée chez un patient sous heparine, sous traitement anticoagulant. Une FNAS est indiquée pour surveiller les plaquettes, le risque de thrombopénie induite par les heparines. Il est recommandé de pratiquer une numération plaquettaire avant le traitement. Donc, je joue pour la numération plaquettaire de base. S'il y a déjà des troubles de l'hémostase ou de la thrombopénie déjà, donc le patient connaît déjà une thrombopénie, donc on fait une numération de base avant de commencer le traitement et un suivi donc deux fois par semaine pendant 21 jours. Au-delà de cette période, si un traitement prolongé s'avère nécessaire, donc si le traitement anticoagulant, si on prolonge le traitement anticoagulant plus de 21 jours, le rythme de contrôle peut être porté à une fois par semaine. Donc au début, les 21 jours de traitement, après le début du traitement, c'est deux fois par semaine, une numération plaquettaire. Donc à l'antidote des heparines standard. Ah là, on parle d'antidote. Surdosage. En cas d'accident hémorragique. Le patient est surdosé, il présente une hémorragie importante. Il faut stopper cette anticoagulation immédiatement. Donc l'antidote, il va inhiber l'anticoagulation actuelle. Donc l'antidote des heparines standard, toujours, je parle d'heparines standard, hein, c'est la sulfate de protamine. Sulfate de protamine. Donc en cas de surdosage, le sulfate de protamine neutralise l'héparine en formant un complexe inactif avec l'héparine. Donc le sulfate de protamine, il va s'associer à l'héparine, il circule dans le sang, et il va constituer un complexe inactif. Donc l'héparine est inactif. Donc, on donne l'association en même temps, donc on entend des risques. En cas d'accident hémorragique, en cas de surdosage. Non. En cas de surdosage, je répète, le sulfate de protamine neutralise l'héparine en formant un complexe inactif avec l'héparine. Sans unité, donc de protamine neutralise l'activité de 100 unités d'héparine. Soit disant un patient que je connais, peut-être une dose d'héparine 40 000. D'héparine d'unité, 40 000 unités internationales. D'héparine sodique en poussée anglique. Donc, à la belle, la dose d'un de nos patients. Avec comme les 100 unités neutralisent l'activité de 100 unités d'héparine. Donc, vous allez calculer la dose de l'antidote pour neutraliser la dose d'héparine sodique injectée. Ou la dose de calciparine. Donc la dose de protamine utile est fonction de la dose d'héparine injectée et du temps éculé depuis l'injection de l'héparine. Si par exemple, j'ai injecté de l'héparine sodique en pousseringue électrique, la demi-vie de l'héparine sodique c'est une demi-heure à 2 heures. La demi-vie par pousseringue. En sous-cutané, c'est 8 heures à peu près. C'est pour cela qu'on fait pas mal prise de calciparine. 8 heures à 10 heures. Si par exemple, la dernière injection de calciparine est donnée par exemple à 8 heures, le patient il a présenté l'accident 8 heures après. Donc les goulets, puis c'est déjà la calcée est éliminée. Donc la dose de l'antidote injectée est calculée selon la dernière injection, la dose de l'injection de l'héparine. Donc c'est par rapport à ça. Et la sévérité de l'accident. Bien sûr, le seul effet indésirable de l'antidote HADA, c'est le choc anaphylactique. Donc l'utilisation de cet antidote doit tenir compte de ses effets indésirables potentiels, notamment le choc anaphylactique. Donc jusque-là, ça va. Les paris sodiques, normalement, quand on a un patient sur les paris sodiques, comme vous le dites, les doses selon les TCK, les TCA à dos, quand il gagne un TCA intérieur à 1,5 le témoin, vous allez augmenter les posologies progressivement. Les TCA, donc le rythme de ce bilan ou de ce paramètre, donc 4 à 6 heures après la première prise ou là après chaque changement ou l'augmentation de posologie ou la modification de dose, donc normalement, un patient qui présentait un accident d'un surdosage en anticoagulant, donc l'antidote c'est le sulfate de procaïne. Donc là on passe à l'HBP1, les paris de bas poids moléculaire. L'utilité d'une surveillance biologique n'a pas été établie pour apprécier l'efficacité d'un traitement par HBP1. Donc déjà l'avantage de l'HBP1 par rapport à l'épargne standard, donc déjà on ne surveille pas le patient. On ne doit pas surveiller le patient sous HBP1. Donc pas de surveillance d'un patient sous HBP1. On donne la dose curative, la dose préventive et on ne surveille plus le patient. Donc l'avantage, c'est déjà, à la base comme un patient sous épargne standard, chaque jour, donc quotidien, la surveillance, un TCA, qui se fait donc un examen coûteux, c'est un patient qui doit être prélevé chaque jour. Donc quand même, c'est gênant pour le malade et pour la poche du malade. Donc, les paris de poids moléculaire, l'avantage, c'est aucune surveillance. Toutefois, la surveillance biologique par détermination de l'activité anti-bis activée peut être utile pour gérer le risque hémorragique. Les patients ont un risque hémorragique important en dose. La pratique quotidienne, pas de dosage de l'activité anti-bis activée. Mais beaucoup plus, on prévient le risque hémorragique. Quand on a un patient maigre, qui a un risque hémorragique plus important qu'un patient de poids normal. Une femme a un risque hémorragique plus grand qu'une femme, un score pour classer ou là pour classer le patient à faible ou là à haut risque hémorragique. Donc, les cas où on dose l'activité anti-bis activée, quelles sont les situations ? Parmi lesquelles un point extrême, maigreur voire cachexie. Donc, un média extrême. Une insuffisance rénale, légère. Parce qu'une insuffisance rénale sévère, c'est une contre-indication aux HBP1. Une insuffisance rénale sévère, c'est une contre-indication, c'est l'indication d'une épargne standard. Une hémorragie inexpliquée, donc sous HPPM, on dose l'activité anti-bis. Donc, en pratique courante, pas d'examen ou là, pas de surveillance des patients sous HPPM. C'est bon ? On commence déjà les paris sodiques, les paris standards et l'HPPM. C'est pour ça qu'on dit. Le contre-indication par donc là, on passe aux AVK, au traitement anticoagulant par voie orale. Donc, l'indication de ce traitement, c'est en général un relais. On a initié, c'est un patient qui est venu par exemple pour une embolie pulmonaire. On a initié les traitements par voie parentérale, subcutanée ou la IV, mais par exemple le traitement prolongé à 6 mois, on ne peut pas donc injecter le patient en 6 mois ou injecter PEP. Donc, c'est le relais. L'entretien ou l'entraînement, c'est le relais au traitement initial par les AVK. Donc c'est un relais. Le terme de relais par les AVK, le relais par le centron. أصبر هذا donc le test biologique adapté de surveillance des avicats, donc à toute l'indication. Un patient, par exemple, qui a subi une intervention sur le cœur, une prothèse mécanique, une prothèse mitrale mécanique ou de la aortique, donc c'est un traitement à vie du syndrome. Donc la zone, c'est la voie orale. Et la zone est surveillante. Donc il y a un risque hémorragique, la zone est surveillante. L'assurance ne sera pas VNR. Donc, en dehors de tout traitement par AVECA, l'INR de base, c'est un sujet normal, est inférieur à 1,2. L'INR de base. L'INR, c'est l'international normalisé de ratio. IANA, l'abréviation de mots international normalisé de ratio. IANA. En dehors de tout traitement par AVECA, l'INR d'un sujet normal est inférieur à 1,2. Pour la majorité des patients traités par AVECA, un INR compris entre 2 et 3 avec une valeur cible de 2,5 est recherché. Donc, pour qu'un patient soit anticoagulé, il y a un INR entre 2 et 3. C'est un examen biologique. C'est un élément de surveillance. C'est quoi le PCR ? C'est un élément de surveillance. C'est un examen biologique pour surveiller un traitement anticoagulant. L'INR, c'est un élément biologique. Et c'est taïra, une analyse pour surveiller un traitement par les AVECA. Donc un INR compris entre 2 et 3 avec une valeur cible de 2,5. Mais tout dépend de l'indication. Si par exemple, on a indiqué le syndrome pour une embolie pulmonaire, la cible, là, c'est 2 à 3. Mais pour une prothèse valvulaire mécanique, mitrale, la cible est 3 à 4. 3,5 à 4,5. La cible de l'anticoagulation. Donc à chaque fois que le risque thromboembolique est élevé, à chaque fois que l'anticoagulation ou les objectifs d'Anna, les Anna, ils y doivent. Mais tout en sachant un INR supérieur à 5, qu'il y a un risque hémorragique important. D'accord. Donc l'idéal, un INR idéal vers lequel il faut tendre, c'est 2,5. Un INR inférieur à 2 reflète une anticoagulation insuffisante. Oui. Un INR inférieur à 2, donc on n'est pas efficace. Un INR supérieur à 3 traduit un excès d'anticoagulation. Dans tous les cas, les objectifs. L'embolie, c'est 2 à 3. La thrombose veineuse, c'est 2 à 3. Une prothèse aortique mécanique, c'est 2 à 3. Mais une prothèse mécanique mitrale, 3 à 4. Surtout s'il y a une ACFA associée. Donc un risque. Tout le monde hésite le risque thromboembolique et hésite le cible. Sans dépasser 4,5. Donc, dans tous les cas, un INR supérieur à 5 est associé à une majoration significative du risque hémorragique. Vous savez que maintenant, vous posez des questions, c'est vous. Donc, nous devons quelques indications, nous devons quelques quelques contre-indications. Donc, rythme de contrôle biologique. Avant initialisation du traitement, il est recommandé de faire un dépistage des troubles de l'hémostase. Si par exemple, je vais commencer un traitement par le synchrone chez cette patiente, pour une raison, pour une pathologie, je demande avant d'initier le traitement synchrone, je demande un TPNR de base. Normalement, les lasmicones, il y a un R inférieur ou égal à 1,2. Quand il y a déjà son traitement par les AVK à 2, qu'il y a un trouble de l'hémostase, quelque part, qu'il y a une anticoagulation, qu'il y a un défaut de coagulation de cette patiente. Donc, le TPNR de base est important avant d'initier le traitement. Donc, le premier contrôle doit s'effectuer après la troisième prise d'AVK. Par exemple, si je commence aujourd'hui un traitement par les AVK, vous dites un quart de comprimé aujourd'hui. Aujourd'hui, un quart. Demain, un quart. Le troisième jour, un quart. Le contrôle, le quatrième jour, matin. Donc, trois prises de ce médicament. Le quatrième jour, matin, je fais un TP INR. La prise est préférée le soir. C'est généralement pour modifier les doses, les posologies. Le patient, on demande au patient de prendre le synchrone le soir. Le matin, il donne le bilan. Si je trouve un TPNR insuffisant, le jour même, on parle avec les posologies. Le jour même, on met de la posologie. On parle avec les doses le jour même. Le soir, il y a une posologie à son état clinique. Donc, le premier contrôle doit s'effectuer après la troisième prise d'AVK afin de dépister une hypersensibilité individuelle. Un INR supérieur à 2, annonce un surdosage avant l'obtention de l'équilibre et doit faire réduire la posologie. Même comme je fais. Le plus important, c'est à 3 jours. Le quatrième jour, on fait un TP INR. L'INR, un densité normal inférieur ou égal à 1,2. La cible, c'est plus de 2. Inférieur à 2, c'est insuffisant. C'est supérieur à 3, c'est une un excès en anticoagulation. Supérieur à 5, risque hémorragique important. Des fois, quand on dit un INR supérieur à 5, on saute la dose. On saute la dose de jour. Il y a un risque quand même de saignement. Donc, le deuxième contrôle s'effectue en fonction des résultats du premier INR afin d'apprécier l'efficacité de l'anticoagulant. Donc, en général, 3 jours, chaque 3 jours, chaque 48 heures à 72 heures, on fait un TPNR et on augmente très très progressivement. On commence à un quart de comprimé. Voilà. Qu'il y a des patients qui répondent à un quart de comprimé. Ou qu'il y a des patients qui répondent à un comprimé. Si je commence à un comprimé, quand le patient présente un INR 3 jours après et un INR à 6, avec une hémorragie. Donc les posologies très faibles, un quart de comprimé, on commence toujours par des posologies faibles. Parce que la sensibilité, chaque individu répond au traitement d'une façon différente. Même les bêta-bloqueurs. Par exemple, les bêta-bloqueurs, on les prescrit pour ralentir le patient, pour obtenir une fréquence cardiaque à 60 et moins. Les infarctus. On commence toujours à une posologie minime, une posologie faible, et on augmente progressivement quand des patients à 1,5 de comprimé de l'oppresseur, ils répondent. Ça va de la fréquence à 60 et des fois à 50. Et des fois, ils présentent une bradycardie. Donc, ils sont très sensibles. C'est pour cela, une posologie. Donc, progressive, à faible posologie, augmentation progressive, des posologies. L'antidote de la vitamine K. Donc, on a parlé de l'antidote des éparines standard. Donc, à l'antidote de l'antivitamine K. À votre avis, quel est l'antidote de l'antivitamine K? C'est la vitamine K. D'accord, là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc l'antidote en cas de surdosage, la vitamine K est utilisée. Donc la posologie, le mode d'administration dépend de l'importance du surdosage et de la valeur de l'INR. Des fois c'est la voie orale de la vitamine K. Une injection et chaleur. Des fois 2 mg, des fois 5 mg, des fois 10 mg selon la sévérité et selon l'INR. Schématiquement, en cas de surdosage asymptomatique ou d'hémorragie non grave, la vitamine K est administrée par voie orale. Donc, en cas de surdosage asymptomatique, un INR déjà comme A6, le patient ne présente aucun saignement, donc il peut prendre la vitamine K par voie orale. Quand la valeur de l'INR est supérieure ou égale à 6. Donc, en cas d'hémorragie grave, la vitamine K, voie orale ou intraveineuse, cette fois, sera associée à l'administration en urgence d'un CCP. C'est quoi le CCP? Concentré de complexe prothrombinique. C'est le PPSV. Le nom commercial, c'est le cascadil. C'est un concentré fait les facteurs 2, 7, 9 et 10. Les facteurs vitamine K dépendants qu'on a inhibés. Donc, on a inhibé les facteurs radio par les antivitamines K. Donc, ils ont inhibé la production de ces facteurs. Donc, déroule là un excès d'anticoagulation. On va apporter les facteurs radio pour coaguler le sang, pour diminuer l'hémorragie. Donc, c'est un complexe concentré de complexe prothrombinique. C'est une préparation donc à base de facteurs de coagulation. Donc utilisé en cas de surdosage avec un accident. Un surdosage, donc un INR supérieur à 6 avec une hémorragie chez un patient sous avec. C'est un concentré constitué des facteurs de coagulation vitamine K dépendante. En cas d'hémorragie, donc. Et ce que soit la valeur de l'erreur. C'est bon, jusque-là? Mais ça m'a fait ça. Jusque-là, quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions? Donc, comme un patient sous AVK, le paramètre de surveillance d'un patient sous AVK, c'est quoi? C'est l'ANA. Mais la cible? De 3, donc c'est bon. Là. Donc la surveillance d'un patient sous s'en prend le rythme chaque 3 jours. Donc le 4e jour, on fait un TPINR. D'accord. On commence avec des faibles posologies en augmentant progressivement. Bien sûr, les objectifs selon la pathologie. Qui connaît un risque thromboembolique faible, donc entre 2 à 3. Qui connaît un risque, à chaque fois que le risque thromboembolique est élevé, alors que l'anticoagulation est plus efficace. Les objectifs, même dépasser jusqu'à 5. C'est bon, jusque-là. C'est des questions de contrôle. Un signal contrôle est fait. Une des questions d'objectif de l'INR chez sa patient en présentant une valve mécanique, hâte-le 2 à 3, hâte-le 4 à 5, hâte-le. C'est des questions de contrôle. 3 à 4. J'ai un patient porteur d'une prothèse mécanique. Donc, ça dépend le risque en mobile. C'est une question de contrôle d'étape par l'examen de l'intervalle de la Sina. C'est la vitamine. On peut utiliser la vitamine K, mais qui coûte une hémorragie importante. On associe à la vitamine K, on associe en plus de ça les facteurs CCP, le concentré de complexe prothrombinique ou le PPSV ou le cascadil, le nom commercial d'un cascadil. Avec hémorragie importante. Que d'un surdosage asymptomatique, on peut juste donner la vitamine K par voie orale. Jusque-là, ça va. Donc, la patient suzépharine standard, la surveillance, donc là, quotidienne. C'est où je vois le paramètre de c'est le TCA. Avec une FNS. Donc TCA et FNS. TCA et FNS. FNS, c'est la recherche de thrombopénie. TCA, c'est pour gérer l'anticoagulation. L'objectif de la CIPTANA, c'est 1,5 à 3. Déjà connu à 2, on arrête là. مي كيكون سوبيريا 3 اون دوا يبسي شويه لي فوزولوجي سي بون جوسكو لا هذا سي بور لي جينيكولوج تجوش كما ما حد يقول سي با بور لي جينيكولوج هذا سي سي C'est un résumé. Je demande à la médecin à chaque la gynéco, parce qu'à chaque fois une patiente porteuse d'une valve mécanique, elle tombe enceinte. Donc, comment gérer l'anticoagulation pour le syndrome, on passe à la voie parentérale. Même la voie parentérale, 12 heures avant le geste opératoire, avant une césarienne, donc c'est par rapport à ça, ma kella, vous appelez. Donc là, on va parler. Eh oh, vas-y, Tona, l'équipe. Vas-y, tout beau. Donc là, on va parler de surdosage. Les critères de gravité d'une hémorragie chez un patient sous anticoagulant. Les critères de gravité qui nécessitent une hospitalisation. Quand il y a des patients, oui. Des signes de choc, une hémorragie intracrânienne, une hémorragie extériorisée non contrôlée par les moyens usuels. D'autres un méchage, d'autres un mazelle de saignement. Donc, quand il y a des situations qui nécessitent une hospitalisation et une prise en charge au milieu hospitalier. On va parler de ces critères. Quand il y a des surdosages asymptomatiques, la conduite. Les conduites devant chaque cas, cas de figure. Donc, un INR mesuré inférieur à 4, pas de saute de crise, pas d'apport de vitamine K. Normal, inférieur à 4, un gâche. Un INR entre 4 et 6. Un INR entre 4 et 6, bien sûr, l'INR, on a deux cibles. INR entre 2 et 3, yani INR à 2,5 la cible. Ou il y a un air supérieur à 3, la cible. Qui coule entre 4 et 6, saute d'une prise. Ou qu'il y a saute de la prise. Qui coule la cible à 2. Qui coule la cible à 3, là. Il y a un air 4 à 6, on saute une prise. Bien sûr, pas d'apport de vitamine K. On a toujours le surdosage asymptomatique. Mais qu'il y a un INR, la cible terna à 4. Ou il y a entre 4 et 6. Pas de saute de prise et pas d'apport de vitamine K. Mais on refait un deuxième dosage le lendemain. Qu'il y a un INR entre 6. C'est juste apprendre, avoir une idée. Je vais mettre là, j'ai dit comment passer avec un INR. Ah, on a un cardiologue. Donc au moins, raisonnez-vous. INR entre 6. Et 10, toujours qu'il y ait une cible à 2,5 ou à 2, cette fois on arrête le traitement, arrête le traitement. On administre, comme on l'a dit, 2 mg de vitamine K, mais qu'est-ce qu'il y a une hémorragie, toujours une personne asymptomatique. Avec le complexe, on a qu'il y aurait un surdosage, avec hémorragie grave, la vitamine K, on associe la vitamine K et le complexe. Donc, qu'il y a un INR entre 6 et 10, ou la cible terna à 2, ou la 3, donc 1 à 2 mg de vitamine K par voie orale. Qu'il y a un INR à 4, à 4,5, par voie à 4,5. Saute du prise, ça a aidé, avec un avis d'un spécialiste. Allez, je vais un spécialiste, je vais ici. Bien sûr, l'exemple INR, c'est une prothèse valvulaire mécanique. Qui a un INR supérieur ou égal à 10, on arrête le traitement. On arrête le traitement, on demande à demain un TPNA, mais le gars nous dit pas. Le lendemain, un autre TPNA, on va réajuster le traitement d'un. Donc, quand un patient a sous un comprimé par jour, on va descendre. On va pas commencer un cas, Mais on va aller à un demi comprimé jour. On a sur le TPN Ardam. Vraiment. Par exemple, les objectifs, les actes chirurgicaux. Je vais dire un acte chirurgical. Par exemple, un patient sous un VK, moi je suis programmé pour un acte chirurgical. Vous demandez un TPNA, tel gars, on a est-ce que vous êtes autorisé à faire l'acte? Non. Donc vous allez sauter, quand on a une urgence, oui, vous êtes autorisé. Autorisé avec des conditions. Vous allez injecter de la vitamine K. Donc vous allez donc faire quelques ingrédients. Vous allez faire passer quelques ingrédients. Et vous allez contrôler les INR après 6 heures. Après m'a injecté de la vitamine K, contrôler les INR. Là, je me dis, les INR, 1,5 par le mètre de dérivé chirurgical. Inférieur à 1,5, hein, la chirurgie normale. Et inférieur à 1,2, le neurochirurgie. Là, non. Pas d'autres des trucs, c'est pour les résidents. Continue. C'est des conduites, pour des avis. La cardio, on donne la conduite. On donne la conduite, comment arrêter, comment faire, un TP de contrôle, et bien, c'est en collaboration avec les autres services. Les actes ados, les actes chirurgicaux. Des fois, l'acte, quand il est programmé, on arrête le 5 francs. 7 jours avant, l'acte chirurgical, on a arrêté aujourd'hui. Le lendemain, on commence un traitement par voie succulte, la femme. On surveille le TCK. Donc, c'est une conduite. Madame Dérougelle. Donc, une hémorragie grave ou potentiellement grave nécessite une prise en charge hospitalière. Critère de gravité. Abondance du saignement. Apprécié notamment sur le retentissement hémodynamique. Pression artérielle systolique inférieure à 90. Signe un retentissement hémodynamique. Localisation peuvent engager le pronostic, un pronostic vital ou fonctionnel. Une localisation intracérébrale. Une localisation pleurement fonctionnelle, un syndrome des loges. Qu'on a un hématome qui est compressif, qui comprime les vaisseaux des artères dans le membre. Donc il y a une ischémie, il y a un membre qui est mis en jeu, il y a un pronostic fonctionnel qui est mis en jeu. C'est un critère de gravité de cet hématome, de cette hémorragie, de cet accident aux anticoagulants. Donc, une localisation peut engager un pronostic vital, donc c'est cérébral, donc, et un pronostic fonctionnel. Le fait qu'il y ait une nécessité de transfusion, c'est un critère de gravité. Une hémoglobine inférieure à 6 ou là à 5, donc nécessité de transfusion, et c'est un critère de gravité et d'hospitalisation en unité de soins de cardiologie. Bien sûr, en cas d'hémorragie grave, la mesure c'est l'arrêt des AVK et mesure de l'INR en urgence. Donc on arrête et on mesure après hospitalisation. Si l'INR non disponible, qu'est-ce qu'on fait? CCP. Si l'INR a une hémorragie grave, elle est là. INR non disponible. Patient sous AVK, sous un tronc. C'est administration de CCP, 25 unités par kilo. Si INR disponible. Si INR disponible, toujours administration de CCP, mais cette fois, selon l'INR. Toujours indiqué s'il y a une hémorragie grave, mais selon la disponibilité de l'INR, parce que ouais, la posologie générale, pas l'INR. On y connaît l'INR, pas la bizarre, donc une posologie. Bon, on y connaît l'INR, on approche, donc il y a une posologie standard, donc ça dépend de l'INR. Bien sûr, avec de la vitamine K, 10 mg, une ampoule bac qui a 10 mg. Vous allez privilégier la voie orale. Donc, ben, tu vois là. Bien sûr, quel que soit l'INR, en cas d'hémorragie grave, CCP est indiqué, que ce soit la vitamine K, 10 mg, est indiqué, avec arrêt du traitement antivitamine K. Mais attention, on doit surveiller l'INR. Parce que l'INR, quand il y a votre inférieur à 1,5, le patient n'est plus anticoagulé et il peut présenter un thrombose de prothèse qui est mortel. Donc, tout en en surveillant l'IANA. Qui a porté l'IANA à 1,5, on doit initier un traitement. Par quoi? Intraveineuse ou la succutanée, pour maintenir ou la, pour protéger le patient du risque pendant mon lit. Bien sûr, après contrôler, après avoir contrôlé l'hémorragie, par les moyens de la vitamine K et d'eau, quelques jours, il y a votre l'IANA, parce que l'élimination de l'IANA, la demi-vitaire ou 48 heures, quand même l'élimination de l'IANA est longue. Donc, à dire l'hémorragie grave, l'hémorragie non grave, non grave, donc c'est du prise en charge en ambulatoire. C'est une prise en charge en ambulatoire, chercher et corriger un surdosage. La plupart du temps, le surdosage des AVK est secondaire à un traitement anti-inflammatoire. Qu'il y a une interaction médicamenteuse qui potentialise les AVK. Qu'il y a une interaction médicamenteuse qui potentialise l'effet des AVK pour me donner un surdosage. Donc il faut traiter cette anomalie. Il faut arrêter ce traitement. Ou là, il faut prévenir le patient. Le patient, les endo, les sous-AVK, sous syndrome, un de une carte. Même l'injection intramusculaire est contre-indiquée sur ce patient. Et c'est d'un hématome. Donc on doit prévenir le patient de ce risque. Et dire à la polyclinique qu'il doit avoir une injection intramusculaire et acheter un hématome. Donc, c'est la prévention. On doit prévenir le patient. Mais les quelques aliments sont riches en vitamine K. Le chaud. Les légumes verts à dos. Quelle est une liste de la diététicienne? Il y a une patiente comme ça, elle est prête par une urgence. Depuis des années, elle est venue. Quelle est une urgence? Hospitalisé patient. Patiente ou la patiente? Patiente. Patiente, voilà. Allez, là, petit côté. On a une urgence. Celle-là, vous avez une urgence par une urgence. Oui, il a quelle une urgence, t'as pas les urgences. Il a ma tâche une urgence, c'est non. Mais, un petit mais. Allez. Jusque là, ça va? Hein? Mais c'est joué. Elle a contacté déjà l'essentiel. Et celui qu'on considère comme grave, les antidotes à chaque médicament, les moyens de surveillance. Donc, c'est déjà bon. On va faire un cas clinique. Là, je suis sur la vie, parce que c'est un cas clinique, donc c'est un EDM. Avant de passer à l'EDM, quelques indications. La CFA, comme indication. L'arythmie, la coagulation anticoagulant. Donc, c'est une indication de traitement anticoagulant. Parce qu'il y a un risque thromboembolique vert. Donc, il n'y a pas de banque, c'est une indication de traitement anticoagulant. Il y a un embolie pulmonaire, des prothèses valvulaires mécaniques et d'autres situations. Ah, pour un moment. D'accord, jusque-là. هذا تدي دتكم أو تدي تاع عبطن قلكم أنا دكم تدي تاع لي قدكم هذا دي مش بقولي كم دي مش أنت وكان دندي جس فكان كم لديام بس لما لديام تدي أنا ديام inferior patient thrombolisé bonnet délai. Donc vous عندكم un dossier, un autre dossier, parce que le dossier de gâteau خرج من المريض. Donc le dossier ou l'archive. C'est le même TD, mais un autre cas clinique, un autre patient. Réanimation 2. Hein? Donc c'est un patient âgé de 47 ans. 47 ans. L'âge, la cardio, un facteur de risque. Il faut toujours insister et chercher l'âge du patient. Supérieur à 50 ans chez l'homme et supérieur à 60 ans chez la femme. 60-65 ans chez la femme. Donc, il est considéré comme facteur de risque. Déjà, c'est le sujet de 18 ans pour de la thoracique. Alors, ben, tu as posé la phrase déjà, vous allez banaliser la symptomatologie. C'est tout comme on est. Donc, c'est. Donc, j'en prends peut-être. Donc, un compte. Il faut prendre les choses au sérieux, oui. Mais qui j'ai comme patient à bas âge, un jeune. Surtout qui j'ai mis ou il tac. Donc c'est un patient âgé de 47 ans. Donc je me dis, hein. La calculine. C'est un patient âgé de 47 ans. Donc admis, maintenant qu'à l'observation directe. Ah, j'ai déjà l'observation directe, comme je viens. Bien sûr, c'est une observation faite par un interne. D'accord ? L'interne fait un travail débrouillé, et complet. L'observation interne, comme tu vois, merdique. C'est une observation liée à quelques mots clés. Un patient admis pour un EDM, état général conservé, ECG à Ouchkaïn, patient thrombolisé ou non thrombolisé, IADS. En général, vous avez trouvé une observation bien, quand même. Donc, il s'agit du patient, l'un ou la susnommée, âgé de 47 ans, aux antécédents d'HTA. Facteur de risque cardiovasculaire. Donc, un comme H, HTA, diabète, tabac et hypercholestérolémie, 5 facteurs de risque cardiovasculaire majeurs. Donc, admis pour la prise en charge d'un EDM antérieur étendu semi-récent. Semi-récent qui a dépassé les 24 heures. L'EDM, quand il dépasse 12 heures, marche ça. Match une indication à la thrombolyse. Parfois, la thrombolyse, qu'est-ce que c'est la thrombolyse? La thrombolyse, c'est la revasculation. Bien sûr, il est considéré comme urgence. Les DM, c'est une urgence. En voie de constitution, un EDM en voie de constitution dans les 6 heures. L'idéal dans les 6 heures, peut-être 12 heures. Les critères de thrombolyse, c'est un médicament, une injection qui sert à dissoudre ou à annuler le caillot de sang avec la thrombose. Thrombolyse. On va fragmenter avec le caillot pour libérer la voie. La lumière vasculaire. Donc la thrombolyse, c'est la revasculation médicamenteuse indiquée, l'idéal, indiquée les 6 heures, après le début de la symptomatologie, après la douleur, plus de 12 heures, ce n'est plus l'indication de la thrombolyse. Mais tu peux pas faire l'observation interne. Patient non thrombolisé vu le dépassement de délai. Ou là, il y a que fait, comme quand on a EDM semé récent, il faut déjà appeler manche thrombolisée. EDM semé récent. Bien sûr, qui parle de l'histoire de la maladie, il faut aller semé récent. Non, mais je l'ai fait une journée avant son admission. Donc le début de la symptomatologie semble remonter à une journée auparavant marquée par l'installation d'une douleur angineuse constrictive. Alors pas angineuse constrictive, c'est une douleur infractoïde. On ne dit pas une douleur angineuse. Une douleur angineuse, c'est une douleur des colons petits, c'est une douleur de 20 minutes. À l'effort, c'est départ par l'arrêt de l'effort, là, par les dérivés nitrés. C'est longueur. Mais une douleur infractoïde, c'est une douleur prolongée, supérieure à une demi-heure et résistante aux dérivés nitrés. Donc, un patient qui goulou un IDM et une douleur angineuse ne coïncide pas les deux كي تقولوا اني ديام سي ان اسبي الكتريك بوكو بلس اني ديام اسبي اني ديام كو نيكروز سي ديكالاج دونك سي ان اسبي كي تقولوا ايدو لارانجيناس ما يخرجوش معنا دونك بو بارلي داني ديام il faut parler d'une douleur infarctoïde donc c'est une douleur qui est prolongée à la différence d'une douleur angineuse de repos ou d'une douleur angineuse non calmée par les dérivés nitrés. Bien sûr, c'est une douleur qui a toutes les caractéristiques des douleurs angineuses constrictives, irradiation vers les mâchoires, vers les vaisseaux de Krupp, vers le membre supérieur gauche, et des fois qu'il y a même une douleur ose isolée du membre supérieur gauche. On brasse les tannées, j'insiste, mais la douleur du membre supérieur gauche isolée, tannée, est un diagnostic de certitude, c'est une douleur typique. Une douleur typique. Un cas clinique rapide, un patient consulte pour une douleur du membre supérieur gauche. Fait un rhumato, un neuro, une semaine, il a fait un scanner anti-inflammatoire, antalgique. Une semaine après, il atterrit aux urgences de cardio pour faire un ECG ou une gamma-DDR sévérescent. Avec une troponine fortement positive. Donc c'était une douleur. La symptomatologie d'appel, c'était une douleur isolée du membre. Donc il a traîné bien le rhumatologue, bien le neurologue. Ils ont tout fait explorer par un TDM, un TDM. Donc ils n'ont rien de EMG. Derrière toutes les explorations nécessaires pour... quand même, ils ont mis le patient sur le traitement des radiants antalgiques et finalement il a atterri une semaine après au Tehkan pour un EDM. C'est mes récents, mais où je m'étais pas, mais je fâche. Allez, non. Donc, irradiant au dos, motif pour lequel le patient consulte aux urgences de l'EPH doit être zinaté. Donc, le patient a consulté, il date la douleur la veille, une journée avant l'urgence, il a consulté pour une douleur. Négligé par l'équipe de l'EPH de la Disney, les urgences d'Alolo et l'ampoule de Perfalgan. Autre gars, il a nécrosé tout doucement. Il a une persistance de la douleur, c'est une douleur quand même très gênante. C'est une douleur tellement importante et intense, le patient, des fois, arrive. Hein? Donc c'est tellement c'est une douleur intense et importante, le patient des fois est agité. Tellement c'est une douleur intense et importante, un des médecins, les dalles de la douleur, il a décrit la douleur comme un éléphant assis sur la poitrine. Prélo un éléphant assis sur la poitrine. Donc c'est une douleur gênante, intense, angoissante. Donc, patient a bénéficié donc de deux ampoules, deux flacons de Perfalgan, mais devant la persistance de la douleur, le patient a décidé de consulter chez nous, chez un cardiologue, ça, installé. Donc il a consulté évidemment chez un cardiologue. Donc il a consulté chez un cardiologue le jour de son admission. Il consulte chez un cardiologue. Le cardiologue, il fait un ECG. Il trouve un aspect d'un EDM sommaire-récent. Il complète par une échocardiographie. Il le renvoie pour une hospitalisation à Nantes. Donc, d'où son orientation chez nous, d'où son admission. Donc, le ECG. Ou le Haja, les troubles de repolarisation. Les troubles de repolarisation concernent un territoire bien précis. Donc on ne peut pas parler d'un sus décalage isolé V1. Goulou, c'est un EDM. Donc là, un sus décalage au moins deux dérivations contiguës qui correspondent à un territoire. Quiconque V1, V2 ou la V1, V2, V3, c'est un antéroceptal, c'est un territoire qui correspond à un vaisseau. Qui te goulait un sus décalage en V1. Des fois, il va être une lettre des généralistes. Une lettre d'orientation, suspicion d'un fracture, c'est le suspicion de décalage en V1. Isolé de sa dérivation. C'est pas ça, le dire. Là, c'est les critères de la fracture, c'est les critères de thrombolyse. Même la fracture, les critères de thrombolyse. C'est un suspicion de décalage en moins. Il y a deux dérivations et plus. En moins de dérivations contiguës qui correspondent à un territoire. Madjibouliche, un suspicion de décalage en détalois et V1. Non? Qu'il y ait un suspicion de décalage en D2, détalois. AVF, c'est un territoire, c'est un territoire inférieur. Donc, on parle toujours d'un suspicion de décalage contigu en moins de dérivation. Chez ce patient, un suspicion de décalage, même V1, tel V6, D1, AVL. C'est un antérieur et pendu. Donc, nous allons rapidement les territoires. V1, V2, V3, c'est l'antéro-septal. V1, V2, V3, V4, c'est l'antéro-septo-apical. V1, V2, V3, V4, V5, V6, c'est l'antérieur étendu. Qu'est-ce que V5, V6 isolé? Un sus décalage en V5, V6 isolé, c'est le latéral bas. Latéral bas. Qu'est-ce que un sus décalage isolé en D1 AVL? C'est un latéral haut. Qu'est-ce que un sus décalage en D2, D3 et AVF? C'est un inférieur. Qui a un sus décalage en D2, D3, AVF, V7, V8, V9. Pensée inférieure ou là, postéro basal. Que d'un sus décalage en D2, D3, AVF, V1, V2, V3. C'est le septal profond. A tout à l'heure, tu as fait les. C'est l'antéro-septal. Qui est Kamel? Attendez. Qui est V5, V6? C'est le latéral bas, D1 AVL, c'est le latéral haut. On parle de septal profond, c'est D2, D3 AVF, V1, V2, V3. Mais il y a même bizarre. Donc, on a l'aspect, on va voir avec Kamel. On a l'aspect, c'est un semi-récent. L'aspect électrique d'un EDM en voie de constitution, c'est un sus décalage convexe et qui englobe l'onde T. L'onde T est DMA. Donc, on va chercher les dossiers. On va trouver certainement un sus décalage qui englobe l'onde T. Donc, le sus décalage qui englobe l'onde T, avec une douleur infractoïde, wesh, c'est l'indication de thrombolyse. Donc, les indications de thrombolyse, vous allez chercher. Donc, chez un patient qui consulte pour une douleur thoracique, une douleur infractoïde, les 10 minutes qui suivent l'arrivée du patient, il faut faire un ECG en urgence. Le ECG, une fois fait, on doit éliminer un sus décalage convexe. Bien sûr, l'interrogatoire, il doit préciser les facteurs de risque, mais le délai de septembre, le délai de début de la symptomatologie. Par exemple, la douleur, il dit que peut-être l'hium, à quelle heure? Donc, بعد العصر قبل العصر يجيك par exemple à 8 تاع الليل قبل العصر ولا بعد العصر donc il faut suggérer une يقول لك بعد ما صليت العصر donc il faut خرج من الجامع ساعه من بعد درت لي donc pour savoir le délai de thrombolyse, est-ce que vous êtes dans les délais? Tenez. Donc c'est par rapport à ça. Donc le délai de la symptomatologie est important, l'interrogatoire, le type de la douleur, l'irradiation تاعها, c'est important, c'est un élément d'orientation. Et le CG, dans les 10 minutes. Bien sûr, c'est une prise en charge urgente. Chez ce patient, il a déjà nécrosé. C'est un EDM semi-récent. Une hospitalisation est indiquée pour initier le traitement et pour surveiller le patient. Quand même, c'est un EDM qui date d'une journée. C'est un EDM, tout infractus, le patient, il décède. Ce n'est pas par l'infractus, mais c'est par les complications de l'infractus. Les complications, le patient. Donc, Donc on hospitalise le patient, c'est pour le surveiller, c'est pour initier le traitement donc, convenable, ou là du post-infarctus, et pour prévenir, ou là, suivre les complications, une éventuelle, et traiter une éventuelle, dépister et traiter une éventuelle complication. Donc chez ce patient, le territoire nécrosé, c'est un territoire antérieur étendu. Quand tu vois les troubles de repos, c'est des T biphasiques, donc un sus décalage avec des T plus ou moins biphasiques, un sus plus... je vois le CG. Donc c'est un semi-récent. Il faut passer à l'antérieur, d'accord. Donc V1, V2, V3, V4, V5, V6, on a quand même D1 et AVN qui a une DT négative. Pour passer le CG, chauffeur quand même. ترمينا عندكم بالك بيس على 12 نص كملوا برك دو موند وتروح تروح رابيد بون ومن بعد تشوفوا لي دوسي مش مشكل شوفوا لو دوسي لو لي دو عندكم il ne faut jamais de la troponine c'est un critère diagnostique oui mais c'est pas un critère de thrombolyse. Il ne faut jamais attendre une troponine pour thromboliser. Patient, c'est le patient présente une douleur plus un sus décalage à l'ECG, thrombolise. Une douleur plus un BBG, présumé récent, thrombolise. Donc, un comme deux situations où vous pouvez thromboliser sans problème. La thrombolise est justifiée. Donc, un comme douleur plus sus décalage, douleur plus BBG présumé récent. Donc, un comme des situations, c'est bon? Parce que le BBG, tu fais l'infractus. Il y a des troubles de reparation qui cachent l'infractus. Mais quand il y a une douleur plus un BBG, on thrombolise. C'est bon? Jusque-là? Ça va. La thrombolyse, donc, c'est pas un critère? De thrombolyse. Donc, c'est un critère de pronostic. À chaque fois, la thrombolyse élevée, donc la nécrose, le territoire nécrosé est étendu. La négativation de la troponine vers le 10e jour, vers le 10e jour, normalement la troponine se négatif, donc c'est un critère, il y a une instabilité, il y a une ischémie même silencieuse, donc c'est un critère de suivi, pronostic et diagnostic, il y a des infarctus sans douleur, une ischémie silencieuse. Les sujets âgés et les diabétiques, ils font un infarctus. Il gagne 3 points fortement positif, mais le patient ne ressent pas cette douleur importante. Au mal d'aider les terminaux, on a parlé de contre-indications. Je vous remercie. On a parlé de contre-indications de la thrombolyse. Donc avant de thromboliser le patient, il faut s'assurer que pas de contre-indications de la thrombolyse. Un trauma crânien, un saignement. Donc pas de contre-indications. Même nous, l'observation, nous trouvons en l'absence de contre-indication en thrombolyse, le patient a été thrombolisé à la 6e heure ou à la 12e heure. C'est bon? Jusque-là. En bas, le traitement post-infractus, c'est le traitement basique. B, A, S, I, C. B, c'est les bêta-bloqueurs. A, acétyl salicylique ou aspigique. S, statine. I, IEC. C. Clopidogrel, c'est le Plavix, c'est un anti-agrégant. Donc, c'est important la double anti-agrégation plaquettaire, aspirine et Plavix, clopidogrel. C'est important ton post-infarctus en moins un an, à l'aqal'am, pour qu'on absorbe le Plavix. Essentiel, le bêta-bloqueur est un important, il sert de ralentir la fréquence cardiaque, donc diminuer le travail du cœur, prévenir les troubles de rythme cardiaque, donc un de plusieurs bénéfices. Donc c'est des études, l'association a des ingrédients à noter, le traitement basique, c'est des études sur plusieurs registres, plusieurs malades, donc diminution de la mortalité, diminution du récidive de l'infarctus, elles ont plusieurs intérêts. Donc le CG, les 10 minutes après, le cas clinique, le dimanche, on va dire comme des ECG, mais je te vois, le sus décalage, c'est le délai entre Mais si entre la thrombolyse, c'est entre le contact malade-médecin, l'asthme, un ECG, une DERF, les 10 minutes. Une douleur thoracique, l'asthme, un délai, les 10 minutes. Hajetania, la complication qui tue le patient la phase aiguë de l'infarctus, c'est la fibrillation ventriculaire. Donc le trouble rythmique qui tue le patient les 12 heures, les 24 heures en post-infarctus, c'est la fibrillation ventriculaire. On doit être prudent. On doit surveiller le patient du près. Le patient, un des patients thrombolisé à l'hôpital de jour, les urgences, c'était une thrombolyse avec succès, disparition de la douleur, atterrissage du segment ST, dans le service là, l'a présenté un arrêt. Qu'est-ce qui est le cas? Le défibrillateur, il y a une FV, une fibrillation ventriculaire. On a choqué, on a sauvé le patient. Donc c'est la surveillance d'un patient. La phase aiguë, c'est les troubles rythmiques, les rythmes, ou là les troubles, ou là les complications mécaniques. Une rupture septale, une rupture de la paroi libre du myocarde, c'est une complication quand même grave. Donc deux complications, mais beaucoup plus. La FV, le traitement d'HLE, choc électrique extra. Choc électrique extra, défibrillation. C'est bon? Oui. C'est bon. Merci. Bon, merci.